L'ange sur la terre, chapitre 24. Un animal inconnu. Un soir de la fin du mois de septembre, sur le rivage d'un bourg omis dans le dictionnaire de Madoff, on pouvait voir de nombreux groupes regardant, bouche béante, un phénomène qui apparaissait au loin sur la mer. Mais, avant tout, occupons-nous des personnages qui composaient ces groupes. Au premier rang, et sur un monticule d'un sable doux à marcher, apparaissait l'alcalde du lieu et à ses côtés sa chaste moitié. Jamais le mot de moitié n'avait été mieux appliqué au mariage, considéré sous son côté physique, car ils s'étaient tous deux nourris de tant de saines idées et de tant d'aliments identiques, ils avaient si bien engraissé de concert, que, vu par derrière, ils représentaient, au naturel, une grosse sphère terrestre appuyée sur quatre colonnes. L'alcaldesse portait le costume que nous avons déjà décrit quand nous l'avons montré faisant son entrée triomphale à Séville. À cette exception près, que les bouts du mouchoir qui saignaient sa tête, au lieu de s'élever en rosace, flottaient au gré du vent comme de légères banderoles. À côté de l'alcalde se tenait le médecin du village et, tout près de sa femme, s'élevait, toujours droite comme un i, la grande taille de notre ami Don Modesto Guerrero, si absorbé dans la contemplation du phénomène qu'il ne voyait pas autre chose. Note du traducteur. Don Modesto Guerrero, la tante Maria, Momo, etc. sont des personnages de la Gaviota, premier roman publié par l'auteur. Fin de la note. Nous dirons en passant que ces trois vigilants gardiens de l'ordre, de la santé et de la sécurité de l'heureux Villamar exerçaient de véritables sinécures. Ce n'est pas sans raison que la défunte et excellente tante Maria assurait de son vivant que si Villamar jouissait d'une tranquillité et d'un bonheur parfait, c'est qu'il se trouvait placé perpendiculairement au-dessous du trône de la très sainte Trinité. Derrière ce groupe se promenait à grands pas l'illustre Tiburcio, les sourcils froncés comme un Manfred et, sur la bouche, le sourire amer de Méphistophélès. Être méconnu, incompris, triste et malheureux, exilé sur la terre de son pays. Sur des rochers, avançant sur le sable leurs têtes dénudées, quelques jeunes filles sautaient de roche en roche pour se rapprocher de l'objet qui excitait la curiosité générale. « Que tous les saints soient loués, et le pain blanc, et le soleil du bon Dieu !» s'écria la plus leste, qui, sautant comme une chèvre, s'était avancée le plus loin. « Sainte Vierge des miracles, en voilà un véritable ! Accourez et voyez ! Il n'a ni pattes ni ailes pour se mettre en mouvement, et cependant il marche !»« Dis donc, Paula, cette arche de Noé t'apporterait-elle quelque héritage des Indes, que tu cours si vite au-devant d'elle ?» lui dit une jeune fille qui la suivait immédiatement et qui, ayant fait un faux pas, avait rétrogradé vers la plage. Maudit soit le bateau qui a l'air d'une bouée et qui fume comme un four à chaud. T'y embarquerais-tu bien sur cette grosse chaloupe ? Demanda une autre. Pas même pour aller au ciel. Moi bien, pourvu qu'elle me conduisît aux courses del Puerto. À quelque distance, près de l'embouchure de la petite rivière, se trouvait un autre groupe nombreux d'hommes et de femmes, et au milieu brillait, par sa laideur, notre ancienne connaissance Momo. Quelques gens de mer, ainsi désigne-t-on les équipages des bateaux, étaient couchés sur les rochers, affectant la plus profonde indifférence pour l'objet qui attirait l'attention générale. « Que le bon Dieu me soit en aide !» disait une femme. « Il court, s'envoie le dirham, plus vite que le vent. Et cette noire bande de fumée qui sort de ce gros tuyau et s'avance dans les airs, n'a-t-elle pas l'air d'une banderole infernale ? Disait une autre. Hé, Juan José ! Demanda une vieille à un des marins. Comment appelles-tu ce navire ? Un vapeur. Pourquoi a-t-on construit ce ponton qui marche tout seul ? Pour faire une niche au vent et ôter le pain de la bouche aux voiliers. En as-tu vu beaucoup dans ces mers, Juan José ? Jésus, plus de 10 000. Explique-moi donc alors comment il fait pour marcher et tourner à volonté, sans voile ni rame, quand il n'est que du bois, comme tous les autres navires. Quant à cela, dit la première qui avait parlé, on ne peut l'attribuer qu'à un miracle de Dieu ou à une ruse du diable. Ni l'un ni l'autre, répliqua le marin. Le navire marche à l'aide d'une machine. Comment d'une machine ? S'écria la vieille. Écoute, Juan José, si, parce que tu as couru le monde, parce que tu vas à Cadix porter nos concombres et nos melons, tu te figures que tu nous feras ajouter foi à tes comptes, tu te trompes, mon fils. Nous ne sommes pas encore si sottes. Pourquoi m'interrogez-vous, si vous ne voulez pas me croire, Marie Bonbec ? Croyez-le ou ne le croyez pas, je vous le répète, le navire marche à l'aide d'une machine. Momo, dit une des femmes, toi qui as été là où est le roi, le palais royal et la Vierge d'Atocha, as-tu vu quelque chose de semblable à cela ? Voyez la belle question, répondit Momo avec sa grossièreté habituelle. Passe-t-on la mer pour aller à Madrid comme pour aller à Cadix ? On m'a assuré, répliqua Juan José, qu'il y a des vapeurs sur terre comme sur mer. Un bateau qui marche sur terre ! S'écria Momo en poussant un formidable éclat de rire. Je ne dis pas cela, imbécile. Je parle de voiture qui marche sans chevaux ni mules, comme le navire marche sans vent ni rame. Ah, tu fais le plaisant et tu veux t'amuser à nos dépens parce que tu as été sur mer, répliqua Momo. Mais sache que j'ai été à Madrid et que, tout imbécile que tu veuilles bien me croire, je ne tomberai pas dans tes filets, compère sardine. Quant à moi, dit la femme, rien ne me paraît plus impossible depuis que j'ai vu ce que je viens de voir. Un navire marche bien sans vent ni voile. Pourquoi une voiture ne marcherait-elle pas sans chevaux ? Plût à Dieu qu'il en fût ainsi, répliqua un laboureur. Et que le moyen pût être appliqué à ma charrue. J'ai perdu un de mes bœufs et je ne puis le remplacer. Il est sûr et certain qu'il faut voir cela pour le croire, disait de son côté la Tiburcia en écarquillant ses gros yeux. Perfecto, perfecto. Quel démon est cela ? C'est le progrès, femme, le progrès, répondait l'alcalde qui ne trouvait que ce mot pour dénommer le phénomène. Je croirais plutôt que c'est le diable, c'est vrai. Ah, comme il court, comme il court! Il a le diable au corps! Béni soit Dieu qui opère de tels miracles par la main des hommes, disait le commandant. Depuis l'invention de la poudre, on n'a rien trouvé de plus merveilleux. Et cette belle invention est due à un Espagnol, formula sentencieusement Civico Junior, dans toute la pureté de sa prononciation madrilène. Une belle invention tant que vous voudrez, répliqua sa mère, mais je ne voudrais pas, pour 100 piastres, mettre le pied dans ce chaudron. Que vont dire les Françaises et les Anglais, Tiburcio, quand ils verront ce progrès, comme dit ton père? Cette invention est déjà très vieille, répliqua dédaigneusement le fils mal élevé. Les vapeurs sillonnaient les mers bien avant ma naissance. Vraiment, et je n'en avais jamais vu. Laissez le pauvre peuple dans cette ignorance. Ah, Don Modesto, il faut convenir que les gouvernements sont bien coupables. Je ne partage pas votre avis, Signora, répondit le commandant, et je ne reproche qu'une chose aux gouvernements qui nous ont régis jusqu'à présent, c'est de laisser tomber en ruine les forteresses de la patrie. À ce moment, on entendit un bruit infernal qui semblait à la fois le rugissement d'un tigre, le sifflement d'un serpent, les hurlements d'une bande de damnés. C'était le navire qui laissait échapper la vapeur. « Sainte Vierge !» s'écria Tiburcia. « Ce progrès fait un bruit d'enfer !»« Ne craignez rien, señora !» répliqua Don Juan de Dios. « C'est la machine qui s'arrête. Le navire va jeter l'ancre. » Effectivement, le vapeur, dirigé par un habile pilote, était entré dans la petite anse où il jeta l'ancre sur un bon fond de cailloutis. Le capitaine et quelques passagers sautèrent ensuite dans la chaloupe pour venir à terre. En tête de ses passagers marchait un riche négociant de Cadix qui s'était rendu acquéreur de l'ancien couvent contigu au village. Accompagné de quelques amis, experts en semblable matière, il venait examiner les moyens de tirer parti de ce magnifique édifice. Il avait frété, pour opérer ce voyage, un des nombreux vapeurs qui sillonnent la baie de Cadix. Cet homme qui achetait des couvents, qui usurpait à prix d'argent les temples élevés au Seigneur par la piété de nos ancêtres, ce nabab qui frétait des vapeurs, ce haut personnage portant au milieu de ses flatteurs la tête aussi haute que s'il eût dû ses hommages à autre chose qu'à ses écus, ce millionnaire, enfin, n'était autre que notre ancienne connaissance, Don Roque de la Piedra, dont Dieu vous garde. L'alcalde, qui savait son monde, s'empressa d'accourir au-devant de ses hôtes inespérés et se mit à leurs ordres. Attendu que l'heureux Villamar n'avait à sa disposition ni auberge, ni café, ni casino, ni lycée, ni hôtel, pas même un cabaret, l'alcalde qui, à sa qualité de parfait citoyen, joignait celle d'homme parfaitement poli, s'empressa d'offrir l'hospitalité aux étrangers quand ils reviendraient du couvent et chargea Momo de leur servir de guide. Il voulut même les accompagner un bout de chemin, puis il se hâta de rentrer au logis pour veiller aux soins de la réception. Mais à peine eut-il eu fait part de son projet à son épouse que celle-ci refusa net de s'y prêter. Un moment, l'alcalde eut à craindre de voir son autorité compromise. Mais bientôt, de ce ton dont il promulguait les lois, il intima à l'insoumise épouse l'ordre de jouer, auprès de ses poules, le rôle du barbare Hérode. « Foi de perfecto civico, ajouta-t-il, si tu refuses de m'obéir, je renvoie Tiburcio à Madrid. » À cette menace, la colère de Tiburcia s'éteignit comme un brasier sur lequel on verse un seau d'eau. Saisissant un redoutable couteau de cuisine et parodiant le rôle de l'intrépide Judith, elle s'achemina vers sa basse-cour. Descendre du brasier s'échappait cependant encore quelques jets de flammes. « Au diable le progrès » murmurait-elle, dont on n'avait pas plus besoin ici que des chiens à la messe. Tiburcio fumait, étendu sur son lit, et se disait, la mordant l'âme. « Que vont penser ces citadins de ce village incivilisé, de mon dindon de père et de mon noix de mère? Il y a de quoi en mourir de honte !» La visite que ces hommes d'argent rendaient au couvent ne ressembla en rien à celle que lui avait rendue, avec le frère Gabriel, le brave Stein, le chirurgien allemand. Oh non, non, les nouveaux visiteurs ne regardaient que la couverture de ce livre magnifique, sans s'apercevoir qu'il lui manquait ses plus belles pages. Ils admiraient le bois de rose, les sculptures et les bronzes de ce magnifique instrument, sans songer qu'il était privé de ses cordes et conséquemment de son et d'harmonie. Au reste, cette harmonie ne leur faisait pas faute, ils n'eussent pas su l'apprécier. Assis sur les marches somptueuses du maître-autel, les pharisiens discutaient les moyens les plus prompts pour dénaturer cette œuvre prodigieuse de la piété de nos ancêtres et lui arracher la seule chose qui lui resta, l'austère majesté de la solitude, la profonde mélancolie de l'abandon. Ô mon Dieu, si quelqu'un ose nous reprocher d'élever nos faibles voix pour prononcer vos propres paroles, rendez à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César, nous acceptons volontiers le reproche. Il n'arrêtera pas sur nos lèvres l'élan de notre cœur qui nous fait écrier. De quel droit avez-vous détruit ce que d'autres avaient édifié? De quel droit diriez-vous aux sentiments des fidèles, comme Dieu l'a dit aux flots de la mer, « Vous n'irez pas plus loin ». Si la génération précédente se croit permis de condamner, dans ses œuvres, les générations passées, un jour viendra où, avec d'autant plus de raison, la génération future condamnera la génération qui a fait ses ruines. Il faut donc hardiment porter le fer dans cette gangrène avant qu'elle n'ait fait plus de progrès. Si le sage peut errer quelquefois, il y a toujours de la noblesse à reconnaître son erreur. Mais revenons à nos vendeurs du temple. L'un proposait de convertir le couvent en une fabrique de papier. Le manque d'eau fit abandonner ce projet. Un autre voulait y établir une tannerie. Momo, consulté, répondit par cet argument sans réplique. « Il faudra donc alors apporter les peaux de Cadix, car il ne se trouve pas dans le pays d'autres bétails que des chevreaux pendant l'été et des cochons pendant l'hiver. » Enfin, Don Roque émit l'avis qu'il y aurait peut-être avantage à mettre bas l'édifice et à vendre les matériaux. « Il n'y aurait qu'une difficulté, » fit observer Momo, « c'est qu'il ne se trouverait dans le pays personne pour les acheter. » On se sépara donc sans rien décider. Et avant de regagner le village, Don Roque déposa majestueusement dans la main de Momo deux réaux que celui-ci eut bonne envie de lui jeter au nez. « Voyez-vous ce diable incarné ?» avec sa face de carême et ses airs d'embarras, murmurait-il. Le monde n'a pas l'air assez grand pour contenir son importance, et il accouche de deux misérables réaux. Au diable, si désormais alcalde ou autre me fait me déranger pour autrui. A-t-on jamais vu pareil ladre? Que la peste l'étouffe et que le diable l'emporte. Les spectateurs continuèrent les débats en route, et la destination du couvent fut enfin arrêtée. Nous la ferons connaître plus tard. Ils passèrent devant la petite chapelle de Bon Secours et devant le cimetière sans que le souvenir de Dieu et l'image de la mort puissent distraire un instant l'attention de ces hommes d'argent. Ces âmes étaient si sèches, si vides, si mortes enfin, à tout saint respect, que pas une de ces têtes creuses ne pensa même à se découvrir devant ce que le monde a de plus sacré et de plus respectable. C'étaient des hommes positifs. Peut-être ne connaît-on pas dans tes montagnes, ô cher lecteur des Batuecas, le sens de cette moderne expression. Je veux te l'apprendre. Le positivisme est l'expression du cynisme le plus révoltant. C'est le drapeau qu'arbore carrément la matière au-dessus de l'esprit. C'est le chapeau d'un Gessler insolent qui veut forcer les enfants de la montagne à le saluer avec respect. C'est la mâchoire d'âne dont le 19e siècle veut assommer les sentiments élevés et les grandes choses qui restent encore debout des temps de l'enthousiasme et de la foi. L'alcalde, qui était non seulement un parfait citoyen, mais un citoyen bien élevé, comme nous l'avons déjà dit, s'en fut à la rencontre des étrangers et les pria courtoisement d'accepter à déjeuner chez lui. Don Roque ne se fit pas beaucoup prier. Non pas à cause du déjeuner, car le sien l'attendait à bord du vapeur, mais parce qu'il désirait obtenir de l'alcalde quelques renseignements qui lui étaient nécessaires. D'ailleurs, en sa qualité de millionnaire, Don Roque, dans ses relations avec les autres hommes, croyait toujours accorder une faveur quand il leur faisait l'honneur d'en accepter une de leur part. L'idole à laquelle on fait un sacrifice accepte l'offrande et raille le sacrificateur. Rioja.